quelques Carlsberg, les Gasper, j'envoie ma zic au large, perdu en Genève et Basse-Terre, je rappe chez Nicolas et c'est tendu au décollage. Pour l'inspi, un peu de verdure, ne dites pas à l'instit, prenez vos Ricola, Cassimo, Djembe, un peu de basket, je me prends pour Dick MB. Chez moi j'ai le rap, ici le reggae. Yeah, je passe mon temps à baigner dans les temps, rapper dans les temps, c'est pas mon genre, mais bon je suis compétent. Quelques rimes coincées dans les dents, c'est au soleil qu'on s'étend, une visite à la tente, pas se cacher conséquent. On roule et c'est Mara qui conduit la chariote. Je préfère cette maison bondée que les suites du Marriott. Rempli de marioles, Didier n'a pas changé depuis Marigot. Et dans la pièce y'a tout sauf des parigots. Ma foi ça rigole, y'a rien de plus important. Et pour construire un couple, faut pas démolir les murs portants. Thank you. We'll be right back.